Fumer provoque le cancer mortel du poumon. Fumer peut provoquer une mort lente et douloureuse. Protégez vos enfants, ne leur faites pas respirer votre fumée. Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas. Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer.